إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue aujourd'hui le cours numéro 6 dans l'explication de الأصول الثلاثة. Et c'est avec le sharh du Cheikh Zayd al-Madkhali, hafizahullah. Et on est arrivé toujours donc à la question de l'importance de yani, appliquer la connaissance qu'on a de la religion. Parce qu'on a, on a expliqué que le premier point d'entre les quatre points qu'on va parler, c'est al-ilm. On a expliqué que cette science, en quoi ça consiste? Ça consiste à connaître Allah, à connaître son prophète, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et à connaître sa religion. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est l'application de cette connaissance. Et c'est là qu'on est maintenant, toujours dans cet aspect-là. Mais en même temps, donc, on continue à expliquer l'importance de l'application de la science. D'accord? Et, wa alaykum salam wa rahmatullah. Et donc, le cheikh, il dit, toujours pour montrer l'importance de la science et le fait qu'on doit être entre les deux extrêmes, hein, entre l'extrême de ceux qui ont reçu la science mais qui n'ont pas appliqué, comme on a mentionné al-mardoubi alayhim, les juifs, puis ceux qui justement n'ont pas de science et qu'à cause de du fait qu'ils n'ont pas reçu la science ou qu'ils n'ont pas eu de science, ils se sont égarés, c'est-à-dire al-nasara, les chrétiens, ceux qui sont comme c'est expliqué dans Al-Fatiha, yani Ad-Dalloun. Al-Mardoubi alayhim, c'est les juifs, et Ad-Dalloun, ce sont les chrétiens. Donc le Cheikh, il continue donc dans cette explication-là, à expliquer l'importance de la science, et qu'il n'y a rien de meilleur que ça. Il explique, il dit, « وَيَكْفِ فِيهِ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَشَادَ بِالْعِلْمِ وَالْعُلَمَاءِ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Donc le cheikh il explique et il dit que c'est suffisant pour montrer la valeur des savants, puis le mérite qu'ils ont et l'honneur qu'ils ont par rapport à la religion, de mentionner les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il parle de la science et des hommes de science dans sourate Fatir, le verset 28, lorsqu'il dit que c'est uniquement ceux qui ont la science parmi les hommes qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit dans le verset 11 dans sourate Al-Mujadala qu'il élève ceux qui ont reçu la science et qui ont la foi en degré. Il dit wa atabara Allah tabaraka wa ta'ala al-ilm mubsiran wal jahil a'ma fi qawlihi azza wa jal afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika kaman huwa a'ma إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Donc le cheikh il explique que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a considéré celui qui a de la science comme étant un voyant, tandis que celui qui est ignorant, il l'a comparé à l'aveugle. Et il mentionne donc ce verset-là dans le verset 19 dans sourate Ar-Ra'd. Est-ce que celui qui connaît ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur toi de la part de ton Seigneur comme étant la vérité, est-ce qu'il est comparable à celui qui est aveugle? Donc il a fait la comparaison entre les deux pour dire que celui qui a reçu la science et qui croit en ce qui a été révélé sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui reconnaît que c'est la vérité, il n'est pas comparable à celui qui est ignorant et qui, donc qui est aveugle. Et c'est uniquement ceux qui détiennent la raison qui réfléchissent, donc qui se souviennent. Et le cheikh dit Fanzuru الفروق الواضحة الظاهرة بين العالم المبصر وبين الجاهل الذي يتخبط في دنياه إن عمل عملا لا يميز بين صواب وخطأ ولا صحة وبطلان وذلك وما ذلك إلا نتيجة الجهل الذي سببه البعد عن مجالس العلم وحلقات العلماء الربانيين. Donc le cheikh il dit que regardez les différences énormes qui existent entre le savant qui est voyant et qui voit clairement et l'ignorant qui ne fait que patauger dans sa dunya et qui fait des actions mais il est incapable de distinguer dans ce qu'il fait entre ce qui est correct et ce qui est incorrect, entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Donc il fait n'importe quoi, mais il ignore si ce qu'il fait va être valable ou va être accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il applique la religion par ignorance. Et il pratique, et il fait des choses avec ignorance. Donc il ignore est-ce que ce qu'il fait, ce sera valable, est-ce que ce sera bon, est-ce que ce sera accepté par Allah subhanahu wa ta'ala ou non. Quelles sont les conditions à respecter pour que nos œuvres soient acceptées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ignore tout ça. Il ignore est-ce que c'est halal ou est-ce que c'est haram ou est-ce que c'est valable ou non. Donc il est dans l'ignorance, il est comme un aveugle. Et le résultat de ça c'est l'ignorance. Et la cause de cette ignorance là c'est quoi? C'est le fait que la personne elle reste à l'écart des cours et des enseignements que les savants de l'islam donnent de la religion. Et des cercles d'enseignement, les halaqat et les majalis, les assises où on s'assoit pour apprendre le ilm de l'islam. Donc ça c'est, le résultat de ça c'est l'ignorance, les gens restent ignorants. Et en particulier à notre époque, qu'est-ce qu'on a vu apparaître? C'est des gens qui se croient, yani savants, uniquement en ayant appris dans des sites internet ou uniquement en ayant lu dans des livres. Et ils pensent que ça c'est suffisant pour être savant. Et ça c'est une grave erreur, parce que la science, comme les ulama le mentionnent, elle se prend de la bouche des hommes de science. La science, elle s'apprend de la bouche des savants, de la bouche des ulama. Et l'islam, elle a été transmise de cette manière, depuis l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à nos jours. C'est-à-dire qu'elle a toujours été transmise de bouche à oreille. De la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'aux oreilles des sahaba. De la bouche des sahaba jusqu'aux oreilles des tabi'in. De la bouche des tabi'in jusqu'à la bouche les oreilles des tabi'in. Et de génération en génération, cette science elle a été transmise de cette manière. Et elle n'a pas été transmise par n'importe qui. Elle a été transmise par les gens les meilleurs d'entre la Ummah et par les gens les plus fiables de la Ummah. Et c'est pour cette raison-là que si on veut prendre cette science, il faut la prendre chez les ulama. Il faut faire l'effort justement d'aller vers eux et d'étudier avec eux et de prendre notre religion de chez eux. Et une des paroles yani, qui a été rapportée justement à ce sujet-là, c'est qu'un des signes du jugement dernier, c'est que les gens vont prendre la science des petits, al-asarir. Et yani, les ulama ont expliqué que yani, al-asarir, soit que ce sont les jeunes, c'est-à-dire ceux qui sont petits en âge, ils sont pas âgés, donc ils ont moins de science, moins d'expérience, et aussi al-asarir, en voulant dire les gens de bid'ah, c'est-à-dire ils vont prendre leur science des innovateurs. Et certains des salafs ont clarifié, comme Abdullah ibn al-Mubarak et d'autres, que celui qui prend sa science des grands, il est un grand lui aussi, même si il est jeune, même s'il est petit. S'il prend sa science des grands, alors lui aussi il est un grand, même s'il est jeune. Donc c'est pour ça que c'est important de connaître les ulama, qui ils sont et de qui on doit prendre notre religion. Des gens qui sont fiables, des gens qui sont honnêtes, qui ont une bonne aqidah, et qui sont des hommes de science qui appliquent leurs connaissances et qui ne craignent que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est très important de les connaître, parce que si on ne les connaît pas, on va être toujours dans l'égarement, toujours perdu. On va prendre à gauche, on va prendre à droite, Et c'est ça ce qui se passe à notre époque. Tout le monde est mélangé à cause justement qu'ils n'ont pas bien compris les fondements de la religion, puis aussi par la suite, ils ne savent pas reconnaître qui sont les vrais ulama. Donc le cheikh il dit wa mimma jaa fi at-targhib fi al-'ilm alladhi yuthmiru al-'amal as-salih قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وفي رواية سلك الله به طريقا إلى الجنة. Donc parmi les paroles du prophète صلى الله عليه وسلم qui incite les gens donc à chercher la science et à apprendre la science de la religion et c'est-à-dire la science en particulier qui vient produire des fruits parmi les bonnes œuvres et les bonnes actions, il y a la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Celui qui prend ou qui emprunte un chemin dans lequel il recherche une science, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter une voie vers le paradis à cause de cette science. » Et en particulier, bien entendu, c'est la science du Coran et de la Sunna puisque c'est cette science-là qui amène au paradis. Si quelqu'un a étudié d'autres sciences, il n'a pas étudié la science du Coran et de la Sunna, comment il va pouvoir trouver la guidance vers le paradis yani par une autre science que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a des ulama qui ont clarifié que lorsqu'on utilise le terme science, al-ilm en arabe, iza utliqa, c'est on l'utilise dans sa forme absolue, al-ilm, eh bien ça automatiquement ça désigne la science du Coran et de la Sunna. On va revenir à ça, mais en ce qui concerne la science elle-même, c'est-à-dire qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, eh bien, quand on l'utilise, ça se réfère à la science du Coran et de la Sunna. Toute autre science, eh bien, il faut rajouter la science à quoi elle se réfère, à quoi ça se réfère. Comme par exemple, si on parle de la médecine, on va dire la science médicale. Si on parle de la biologie, on va dire la science de biologie, comme ainsi de suite. Donc, mais quand on dit la science tout court, ça veut dire la science qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la vraie science. Et par rapport à ce que tu disais, nous on parle de la science du Coran et de la Sunna. Donc, tout ce qui sort du Coran et de la Sunna, ou qui est en dehors de ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, eh bien, si c'est en contradiction avec ça, ça ne fait pas partie de la science. C'est-à-dire, si c'est en contradiction avec ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, alors ça ne fait pas partie de la science et ça fait partie de l'égarement. Donc si par exemple, comme tu mentionnes le soufisme, si dans le soufisme il y a quelque chose qui est en contradiction avec le Coran et la Sunna, donc c'est de l'égarement. Et si dans le soufisme il y a quelque chose qui est en accord avec le Coran et la Sunna, alors on va dire ça c'est l'islam, puis on va l'accepter, mais le reste on le rejette. Et étant donné que tout ça, qu'est-ce qui est dans le soufisme, c'est très mélangé, c'est très confus, eh bien, le mieux c'est de le mettre de côté au complet, puisque dans qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, ça nous suffit. On n'a pas besoin de quelque chose d'extérieur, ou de venir rajouter quelque chose à l'islam pour compléter l'islam, puisque lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort, sallallahu alayhi wa sallam, la religion a été complète. Allah subhanahu wa ta'ala il dit al-yawmu akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion et j'ai parachevé sur vous mon bienfait et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Donc il y a rien qui manque dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala a repris son âme, eh bien la religion de l'islam elle était complète. Il manquait rien dedans. Donc si quelqu'un est venu après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après les sahaba, après les tabi'in, venir rajouter quelque chose et il a mis sur cette chose le titre de soufisme, nous on dit ça c'est quelque chose qui est superflu, on n'en a pas besoin dans notre religion elle est déjà complète. Et si on veut purifier notre âme, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a montré comment purifier notre âme dans le Coran et dans la Sunna. On n'a pas besoin d'emprunter des choses de d'autres religions pour compléter l'islam, pour essayer de connaître comment purifier notre âme. Comme certains ont ramené des choses dans l'islam qui ne font pas partie de l'islam, et ils font des innovations, et ils prétendent que c'est par ces moyens-là qu'on peut purifier notre âme. Nous, on dit non, on n'accepte pas ces méthodes-là. D'accord ? Donc, si ce n'est pas basé sur un hadith sahih dans la sunna, ou bien un verset de Coran qui est clair, alors on va dire non, ça, ça fait pas partie de l'islam. Et si ça fait pas partie de qu'est-ce que les sahaba ont pratiqué, donc on dit non, ça, ça fait pas partie de l'islam. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il dit ensuite? Le cheikh, il dit, وَهَذَا الْوَعْدَ الْكَرِيمِ خَصَّ اللَّهُ بِهِ السَّالِكِينَ طُرْقَ الْعِلْمِ الذين يلتمسون فيها العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح الذين يرجون من ورائه رضا الله وجنته في دار كرامته ويخشون عقوبته وألم عذابه فالمؤمن دائما وأبدا بين الخوف والرجاء. Donc le cheikh explique que cette noble promesse que Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans ce hadith, eh bien, il l'a rendu spécifique et particulière à ceux qui cherchent le chemin de la science et qui cherchent non seulement la science pour elle, ils ne cherchent pas la science pour la science seulement, mais ils cherchent la science dans le but de l'appliquer. Hein? Parce que la science, c'est un moyen, c'est un moyen pour être capable justement d'arriver à le mettre en application. C'est pas juste pour dire qu'on veut accumuler, juste accumuler de la science comme ça, puis après on fait rien avec, hein, on ne met pas en application. Ça, c'est pas correct. Le cheikh, il dit ensuite, et il dit alladhina yarjuna min wara'ihi ridallahi wa jannatahu, c'est-à-dire ceux qui, lorsqu'ils suivent ce chemin vers la science, ils le font en espérant derrière ça obtenir la satisfaction et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que son paradis et yani la demeure généreuse qu'Allah subhanahu wa ta'ala va donner aux croyants. Et il le fait également en craignant le châtiment, c'est-à-dire il cherche cette science yani parce qu'il craint le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala et son et sa punition douloureuse, puisque par cette science-là il va être capable de s'écarter de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit et de s'écarter des causes qui amènent quelqu'un à tomber dans le châtiment de l'enfer. Donc le croyant, il doit toujours être entre les deux, entre la crainte et entre l'espoir, hein? Il faut pas être dans un extrême, c'est-à-dire tu adores Allah juste avec la crainte et l'autre extrême, tu adores Allah juste avec l'espoir. Les deux, c'est des voies d'extrémisme. Et ceux qui adorent Allah juste avec la crainte, souvent qu'est-ce qui arrive avec eux, c'est qu'ils perdent l'espoir en la miséricorde d'Allah. Donc ils pensent que Allah va jamais leur pardonner s'ils font une faute. Et donc à cause de ça, ils abandonnent complètement les bonnes œuvres et ils rentrent dans la voie du mal complètement. Ils disent de toute façon ça sert à rien puisque Allah va jamais me pardonner, donc je vais continuer dans le mal. Et l'autre extrême, c'est ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala uniquement avec l'espoir. Ils disent, mais Allah va me pardonner, peu importe qu'est-ce que je fais. Donc, ils continuent à faire les péchés, ils ne se repentent jamais. Donc, ces deux voies, c'est les voies d'extrême, hein, d'extrémisme. Et le musulman, il doit être dans le juste milieu entre la crainte et l'espoir. Il doit réunir les deux ensemble. Le cheikh, il dit ensuite, فَالْعَمَلْ أَلْعَمَلُ بِالْعِلْمِ فَإِنَّهُ ثَمَرَتُهُ وإذا علم العبد شيئا وعمل به فإنه يتم عمله بدعوة غيره أو يتم عمله بدعوة غيره ليعلم ويعمل بقدر طاقته وغاية جهده من قريب وبعيد والقريب أولى بالبدء في دعوته وأنذر عشيرتك الأقربين. Donc le cheikh, il dit que lorsque tu appliques, tu appliques avec la science que tu as apprise. Et les actions sont les fruits de ta connaissance. L'action, c'est le fruit de ta connaissance. Donc, lorsque le serviteur, il a appris quelque chose et qu'il l'a appliqué, maintenant, il doit compléter ça. C'est pas fini. Hein? C'est pas fini que tu dis, bon, ça y est. Maintenant, j'ai la science et je l'ai appliquée. Donc, je me concentre sur moi seulement. Non, c'est pas suffisant. Il faut par la suite inviter les autres à cette science et à cette application. C'est pas juste tu le gardes pour toi, hein. Comme par exemple, al-mardoub alayhim, ceux contre qui Allah subhanahu wa ta'ala est en colère parmi les juifs. ils ont eu une connaissance qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils l'ont appliquée pour eux-mêmes, mais ils ont abandonné tous les autres. Ils ont dit non, nous, c'est entre nous seulement. Donc le musulman, il n'a pas le droit d'être comme ça. Il faut qu'il partage la vérité qu'il a reçue d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans le Coran et dans la Sunna, il doit le faire connaître aux autres et il doit inviter les autres à cette connaissance-là. Et il doit le transmettre donc selon sa capacité et avec tous les efforts qu'il est capable de faire à ceux qui sont proches de lui et à ceux qui sont éloignés. Et bien entendu, c'est préférable de commencer par ceux qui sont le plus proches de nous, puisque Allah subhanahu wa ta'ala les mentionne dans le verset 214 dans Surat al-Shu'ara, وَأَنْزِرْ عَشِرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, c'est-à-dire commence par avertir les proches, tes proches, hein, ceux qui sont dans ta famille. Hein, puisque c'est pas logique que tu ailles très très loin, alors que les gens qui sont dans ta maison, ils négligent leurs obligations et leurs devoirs envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu commences en premier par ta famille, puis si par la suite ils acceptent, alhamdoulillah, après tu peux aller vers les autres qui sont un peu plus loin, et sinon, une fois que tu leur as expliqué, que tu leur as parlé, puis que par la suite les gens refusent ou rejettent la vérité, bien par la suite, là il n'y a pas de mal d'aller vers d'autres personnes qui sont un peu plus loin, puis de temps en temps, toujours recommencer le message. Il y a des gens qui posent la question parfois, jusqu'à quand on doit rappeler quelqu'un, ou combien de fois on doit rappeler à quelqu'un le bien. Hein? Il y en a qui s'impatientent. Ils invitent une personne une fois, deux fois, trois fois. Hein? Puis là, c'est comme s'ils disent, bon, c'est comme, ça y est, c'est fini, je lui parle plus. Hein? Je ne veux plus lui faire la da'wah par la suite. Non. Parce que tu sais jamais, il ne faut jamais perdre l'espoir que Allah guide quelqu'un. Et juste, le meilleur exemple de ça, c'est Nuh, alayhi salam, qui a fait la da'wah à son peuple pendant 950 ans. Hein? Alfa salatin illa khamsina ama. 1000 ans, moins 50. Donc ça fait 950 ans. Pendant 950 ans, il a appelé son peuple à la ilaha illallah et au tawhid. Hein? Et ils ont refusé, la plupart d'entre eux. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas perdre l'espoir. Et puis, il faut être persévérant dans la da'wah. Et aussi, comme on va le voir plus tard, il ne faut pas regarder le nombre. Il ne faut pas regarder la quantité de personnes qui écoutent ou qui acceptent. L'important, c'est de transmettre. In alayka illa al-balar. Toi, tu donnes le message. Si la personne accepte, tant mieux. Si la personne n'accepte pas, c'est tant pis pour elle. Hein? Mais tu continues ta da'wah. Et puis, si tu es sincère, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala va te donner la récompense de toute façon. Hein? Et c'est Allah qui guide, c'est pas nous. C'est Allah qui ouvre les cœurs, c'est pas nous. Donc, nous, on transmet le message, puis par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui s'occupe des cœurs des serviteurs. Le cheikh il dit ensuite الثالثة الدعوة إليه. Donc c'est exactement le point dont on est en train de parler, c'est-à-dire la troisième chose, c'est d'inviter les gens à cet islam, hein? D'inviter les koufars, les juifs et les chrétiens, les athées, les bouddhistes, les hindous, peu importe les gens qui ne sont pas musulmans, peu importe leurs croyances, peu importe ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, tu les appelles à abandonner ce qu'ils adorent en dehors d'Allah. Tu les appelles à croire en le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et d'accepter le Coran, hein, et ainsi de suite. Donc, tu les appelles à ça, tu les invites à ça. Mais ça ne se limite pas à ça, la da'wah. C'est-à-dire que la da'wah, ce n'est pas seulement pour les non-musulmans. La da'wah, c'est aussi pour les musulmans. C'est-à-dire pour des musulmans qui négligent différents aspects de l'islam, pour leur rappeler ces aspects-là, pour qu'ils commencent à les appliquer aussi. Et chaque fois que tu apprends à quelqu'un quelque chose de l'islam qu'il ne fait pas, s'il le fait, puis que toi tu as été une cause là-dedans, eh bien tu auras la récompense à chaque fois qu'il va faire cette action-là. Hein? La bonne action qu'il fait, tu auras la récompense pour cette bonne action-là, toi aussi. Sans que ça diminue rien de la bonne action qu'il fait. Donc, c'est quelque chose qui nous incite à faire des efforts pour faire le bien. Et il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est que si quelqu'un fait pas la da'wah, ou bien si on abandonne la da'wah, eh bien, les gens qui appellent à l'égarement, eux, ils n'arrêtent pas leur da'wah de leur côté. Donc il y a une da'wah vers la vérité, puis il y a une da'wah vers l'égarement aussi qui se fait en même temps. Et c'est un combat qui va demeurer jusqu'à la fin des temps. Le combat entre la vérité et le faux. Et pour chaque messager qu'Allah a envoyé, il a envoyé des ennemis. Il y a des gens qui s'opposent à sa da'wah. Donc ça, c'est important de le comprendre pour que tu saches que yani, lorsque tu vas appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas avoir des oppositions. Hein? Et ça, on va en parler après par la suite, parce que c'est le quatrième point. As-sabru ala al-adha fihi. De faire preuve d'endurance et de patience face aux épreuves et aux difficultés que tu dois faire face ou bien subir à cause du fait que tu appelles les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour lire qu'est-ce que le cheikh il dit ici, al-mas'alatu al-thalitha, ay ad-da'watu ila al-ilmi wal-amal, wa khayru al-nas man 'alima wa 'amila wa da'a al-nas lil-'amal للعلم والعمل كما في قوله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين دعوة إلى الله وعمل بشرع الله وانقياد واستسلام لأمر الله تبارك وتعالى بالامتثال. Donc le cheikh il explique que donc il faut faire la da'wa à la science, inviter les gens à la science et inviter les gens à l'application de cette science. Et ceux qui font ça sont les meilleurs hommes. Les meilleurs hommes, c'est ceux qui ont la science et qui l'appliquent et qui invitent les autres à obtenir cette science et à l'appliquer eux aussi, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans Surat Fussilat, le verset 23. Et qui est meilleur en parole que celui qui invite à Allah et qui fait une bonne action et qui dit, je suis parmi les musulmans. Je suis parmi les soumis. Donc, inviter à Allah subhanahu wa ta'ala et appliquer ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé dans sa révélation et de se soumettre physiquement à Allah subhanahu wa ta'ala dans ses ordres et de se soumettre à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de mettre en implémentation et en application son commandement. Et le quatrième point, comme je disais tout à l'heure, as-sabru 'ala al-adha fihi. Le quatrième point, c'est-à-dire de faire preuve d'endurance face aux difficultés qui vont nous arriver lorsqu'on fait la da'wah. Parce que celui qui fait la da'wah, c'est sûr qu'il va avoir des difficultés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu des difficultés. Et tous les prophètes qui sont venus avant lui, ils ont eu des obstacles et des difficultés. Qu'est-ce qui est étrange des fois à notre époque, c'est qu'on veut faire la da'wah, puis on pense qu'on va être capable de la faire sans qu'il nous arrive aucun mal, et qu'on n'aura aucune opposition, et que les gens vont nous lancer des roses. Hein? Et que c'est comme si ils pensent que la voie de la da'wah c'est on va nous dérouler un tapis rouge pour qu'on avance puis qu'on commence à appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Non, c'est pas comme ça la da'wah. Au contraire, lorsque tu commences à dire aux gens la vérité et que tu commences à appeler les gens à suivre qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé dans le Coran et dans la Sunna, eh bien c'est là que les difficultés vont commencer. C'est là que les difficultés vont commencer, parce que comme on va en parler plus tard, inshallah, plus en détail, mais pour comprendre que lorsqu'on fait cette da'wah, c'est lourd pour l'âme, parfois. C'est lourd pour l'âme, parce qu'on appelle les hommes à abandonner leur passion et à s'écarter de ce qu'ils aiment, hein, parfois. Donc, ça c'est difficile pour les hommes. Quand tu les appelles à abandonner le shirk, à abandonner le kufr, ça c'est difficile, surtout pour ceux qui sont attachés à ces fausses croyances et à ces fausses idéologies. De les appeler à abandonner ces choses-là, c'est très difficile, parce qu'ils sont attachés à ça émotionnellement, sentimentalement. Hein? Et donc, parfois, quand tu les appelles à ça, ils rejettent et ils refusent. Et même, regardez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a appelé les gens au tawhid, ils étaient prêts à le tuer, à cause de ça. Juste parce qu'il leur a dit, arrêtez d'adorer autre que Allah, adorez Allah seul, abandonnez vos idoles. Yani juste pour ça, ils ont essayé de le tuer, subhanallah. Hein? Il les a appelés que à ça, et pourtant, ça, pour eux, c'était quelque chose qu'ils pouvaient pas supporter et accepter. Ils voulaient absolument le faire taire. Hein? Donc, imaginez, si c'est comme ça. Eh bien, aujourd'hui, c'est la même chose. Hein? Tous ceux qui appellent au tawhid et qui appellent à la aqidah, parfois, il a même de l'animosité de la part de ses frères, même parmi les gens qui se disent musulmans, qui vont être les premiers à lui donner des problèmes et de la difficulté dans sa da'wah. Et ils vont essayer de l'empêcher de propager qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné dans la sunnah. ils vont lui mettre des obstacles, hein, parce qu'il y a parmi les musulmans des hypocrites aussi, il y a des munafiquons. Donc eux, ils n'aiment pas que la vérité soit clarifiée et ils veulent que les gens se taisent. Donc ça, c'est des exemples. Donc on va lire qu'est-ce que le cheikh il dit à ce sujet. Il dit al-mas'alatu ar-rabi'ah as-sabr 'ala al-adha fihi idh innahu ma min da'in yad'u an-nas ila ma da'a ilayhi ar-rusul illa wa sayajidu man yata'arrad li'adhahu kama ta'arrada ar-rusul wal-anbiya lil-adha min aqwamihim fa'alayhi an yasbir ay ya'tasim bis-sabr الذي يعتبر من خير خصال أهل الإيمان ومن خير زاد للدعاة إلى الله تبارك وتعالى سواء كانت الدعوة لأقربائهم أو كانت الدعوة لغيرهم. Donc le cheikh il explique comme qu'est-ce que j'ai expliqué tout à l'heure, celui qui appelle à Allah et qui appelle à ce que les messagers ont appelé, eh bien il va avoir des difficultés de la part des gens. Les gens vont essayer de lui faire du tort, vont essayer de l'offenser, ou ainsi de suite. Et donc, tous les messagers et les prophètes ont été offensés, ont reçu des traitements difficiles de la part de leur peuple. Mais il faut faire preuve de patience, il faut faire preuve d'endurance. Hein? Parce qu'il y a des gens, c'est ça ce qui arrive. Quand ils commencent à faire la da'wa, à appeler les gens à Allah, ils se font critiquer. Ils se font critiquer par tout le monde. Eh bien, ils abandonnent la da'wah. Ils disent, ah, ok, moi j'en ai marre, ça y est. Hein, tout le monde me critique, tout le monde me dit, ah, lui il est comme ci, lui il est comme ça. Hein, ah, moi j'arrête. Quand tu ordonnes le bien, tu interdis le mal, les gens disent, ah, lui il est comme ça, lui il est comme ça. Les gens commencent à te donner des problèmes. Toi, tu dis, ah, ça y est. J'arrête la da'wah, je me repose, je vais avoir la vie facile. Moi, je veux pas de problème. Hein, je veux la belle vie. Hein? Non, mais les messagers d'Allah, c'est pas ça qu'ils ont pas fait ça. Ils ont été endurants. Ils ont été patients. Parce que tout le monde aime la facilité. Tout le monde aime, hein, avoir les choses, tout marche, hein, facilement. Tout le monde aime se faire applaudir. Tout le monde aime que les gens soient satisfaits. Mais quand tu fais la da'wah et que tu appelles les gens à Allah, il ne faut pas chercher la satisfaction des hommes. Il ne faut pas chercher l'agrément des gens. Il faut chercher la satisfaction d'Allah et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et c'est ça qui est difficile pour beaucoup de gens. Hein? Et c'est pour ça que parfois vous entendez des gens, au lieu de faire la da'wah à l'islam tel quel, ils commencent à déformer le message de l'islam et à déformer les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire plaisir aux gens. Soit pour faire plaisir aux kuffars, c'est-à-dire les non-musulmans, pour que les musulmans soient satisfaits, les non-musulmans vont être satisfaits de lui, ou bien soit pour faire plaisir aux munafiqin, ou aux gens de bid'a, ou des choses de ce genre. Il change son message, il change la da'wah. Il ne dit pas les choses claires. Il n'est pas clair dans sa da'wah. Il est flou. Il est toujours ambigu. Il n'est jamais clair. Et c'est ça qu'on remarque. Hein, c'est comme un cheikh, il expliquait, il dit, quand tu entends certaines personnes qui parlent de l'islam aujourd'hui, il dit des choses, tu peux le comprendre de 5 façons différentes. Tellement qu'ils ne sont pas clairs. C'est pas ça la da'wah des messagers. La da'wah des messagers, c'est d'être clair. De clarifier les choses, de dire les choses telles qu'elles sont, et de faire comprendre aux musulmans et aux non-musulmans la réalité de qu'est-ce que cette religion-là signifie. Et non pas juste de dire des choses vagues, hein, des choses générales, tu restes seulement dans la généralité. Hein. Non, c'est pas ça la da'wah des messagers. Et donc le cheikh il dit que celui qui s'accroche, hein, et qui se cramponne à cette da'wah, et qui cherche à se cramponner à la vérité, au Coran et à la Sunna, et qui fait preuve d'endurance dans cette voie-là, eh bien ça c'est considéré parmi les meilleures caractéristiques des gens de la foi. Et parmi les meilleures provisions pour les gens qui invitent les hommes à Allah subhanahu wa ta'ala. Peu importe que ce soit une da'wah qu'il fait à ses proches, les gens qui sont dans sa famille, ou bien que c'est une da'wah qu'il fait aux étrangers, c'est-à-dire aux gens qui ne sont pas dans sa famille, qui sont des gens en dehors de sa famille quand même, il faut qu'il fasse preuve de patience et d'endurance. Le cheikh il dit « وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ صَابِرًا لِأَمْرَيْنِ » أولاً « لَا يَدْخُلُ فِي سَبِيلِ الدَّعْوَةِ إِلَّا بِالصَّبْرِ » وَثَانِيًا « إِذَا دَعَ النَّاسِ وَوَجَدَ شَيْئًا يُعَارِضُهُ أَوْ يَرُدُّ دَعْوَتَهُ صَبَرًا وَاسْتَمَرَّ فِي ذَلِكَ مُعْتَمِدًا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ رَاجِيًا الثَّوَابَ مِنْهُ وَالْعَوْنَ مِنْهُ كما هو طريق الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام عندما بعثهم الله ليدعو أممهم إلى توحيد الله عز وجل وطاعته ومتابعة رسله. Donc il faut que le croyant soit endurant dans deux choses. Premièrement, il faut qu'il soit endurant lorsqu'il entre dans le chemin de la da'wah. Hein? Il faut qu'il soit endurant quand il rentre dans le chemin de la da'wah. Et deuxièmement, il faut qu'il soit endurant lorsqu'il invite les gens et qu'il trouve de l'opposition de leur part ou que des gens essaient de le réfuter. Il faut qu'il fasse preuve d'endurance et qu'il persiste et qu'il continue dans sa da'wah en cherchant le support d'Allah subhanahu wa ta'ala et en mettant sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, en espérant d'Allah subhanahu wa ta'ala la récompense et en espérant le support et l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est très important aussi. Quand tu fais ta da'wah, il faut que tu aies confiance en Allah, il faut que tu aies confiance que peu importe, Allah subhanahu wa ta'ala va te protéger, mais bien entendu à condition que tu restes dans la vérité, c'est-à-dire tu restes sur le Coran et la Sunna. Si tu commences à dévier puis à tomber dans l'extrémisme ou dans l'égarement, et puis que tu fais une da'wah qui est contraire à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, contraire à celle des sahaba, tu suis autre que leur voix, alors là, c'est pas la même chose. Puisqu'on voit, il y a des gens, par exemple, ils font preuve d'égarement ou d'extrémisme, ils sont dans la bid'ah ou sont dans l'extrémisme, et puis ils font des actes qui sont condamnés par l'islam, soit des actes de terrorisme, des actes de violence, ou des choses de ce genre. Et puis après, ils ont des difficultés, ils se font mettre en prison ou des choses comme ça, ou bien ils reçoivent des difficultés. Si la personne, elle a été dans l'extrémisme et qu'elle a subi des épreuves à cause de ça, ça rentre pas dans qu'est-ce qui est glorifié dans l'islam, parce qu'il a été puni à cause qu'il est tombé dans l'exagération et dans l'extrémisme. Mais tant que la personne reste sur l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans la modération que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre, et qu'il est atteint par des difficultés et des épreuves dans la sunna, là il est récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala pour ça. Les bid'as sont nombreuses dans l'islam. Les premières bid'as, bon, on en parlera plus tard, mais il y en a plusieurs. La première bid'as qui est apparue dans la Umma, c'est la bid'as des Khawarij. Et la bid'as des Khawarij, c'est dans le fait qu'ils ont dévié, ils se sont égarés dans la définition de la foi. Ok? Ils ont fait sortir de la foi toute personne qui fait un grand péché. Ils les ont déclarés kuffar. Ok? Et ils ont déclaré Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu kafir. Et ils l'ont tué. C'est un khariji qui a tué Ali radiallahu anhu. Donc ils ont combattu les sahaba et ils ont égorgé des sahaba, et ils pensaient que quand ils faisaient ça, c'était un jihad. Et ils pensaient que quand ils égorgeaient les sahaba, ils se rapprochaient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils avaient des hasanats pour tuer les sahaba. Vous imaginez l'égarement de ces gens-là. Ça, c'est des gens de bid'ah. Et ils prônent ou ils appellent à la révolte et à la rébellion contre les dirigeants des pays musulmans. À l'époque, c'était contre les sahaba, aujourd'hui, c'est contre les dirigeants musulmans. Même s'ils font de l'injustice. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a de nombreuses fois mentionné dans de nombreux hadiths, dans Al-Bukhari et dans Muslim, que le musulman, lorsqu'il voit de son dirigeant qu'est-ce qu'il n'aime pas comme désobéissance d'Allah, alors il doit faire preuve de patience. Il doit détester ce qu'il fait comme désobéissance, mais il ne doit jamais retirer sa main de l'obéissance de ce dirigeant-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort, il a été succédé par Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, qui est resté khalifa jusqu'à sa mort. Après lui, il y a eu Omar ibn Khattab radiallahu anhu qui a succédé, qui a été khalifa jusqu'à sa mort. Et après lui, il y a eu Uthman radiallahu anhu qui a été khalifa jusqu'à sa mort. Et puis après Ali radiallahu anhu qui a été khalifa jusqu'à sa mort. Après lui, il y a eu Al-Hassan, hein, qui a été khalifa, mais qui a lui-même laissé sa place à Muawiyah radiallahu anhu pour éviter, pour stopper la fitna, pour arrêter les problèmes. Il a donné sa place à Muawiyah radiallahu anhu. Puis Muawiyah a été khalifa jusqu'à sa mort. Et puis ensuite, son fils a été khalifa, Yazid. Il a été khalifa jusqu'à sa mort. Et puis après lui, son fils Marwan, hein, qui a été khalifa lui aussi jusqu'à sa mort, et ainsi de suite. Donc dans l'islam, le dirigeant, il est au pouvoir et il règne jusqu'à sa mort. Il n'y a pas qu'est-ce qui s'appelle en islam des élections ou de la démocratie ou des trucs de ce genre. Ça vient des koufas, des grecs, des idolâtres, des mouchriquines, hein, à l'époque, qui ont inventé ce système. Puis les Européens, ils l'ont repris, ils l'ont modifié, ils l'ont adapté. Et puis certains musulmans, parmi les gens qui n'ont pas compris l'islam parfois comme il faut, ils ont essayé d'adapter ça à l'islam et interpréter l'islam pour que ça corresponde avec la démocratie, alors que ça n'a rien à voir avec l'islam. Hein? Ils pensent que ce qui est expliqué, comme par exemple dans le Coran, comme étant la shura, ils pensent que c'est ça la démocratie. Ou bien certains musulmans, ils pensent que la démocratie, c'est un synonyme de justice. Alors que la justice, c'est une chose, puis la démocratie, c'est autre chose. La définition de la démocratie, c'est quoi? C'est le pouvoir du peuple par le peuple. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le peuple qui va choisir ce qu'il dirigea, et que c'est le peuple qui va décider des lois et qui vont voter de ce qui est légal et illégal dans le Parlement. Et ce droit-là de voter ou de décider qu'est-ce qui est légal et illégal et on le donne aux hommes, ça c'est d'enlever à Allah subhanahu wa ta'ala un de ses droits exclusifs de légiférer. Et ça c'est du shirk. C'est pour ça que je parle de l'importance de connaître l'aqidah, parce qu'il y a beaucoup de musulmans, étant donné qu'ils ne connaissent pas le tawhid, ils ne connaissent pas l'aqidah, ils ne savent pas que le fait de mettre, hein, de donner à autre que Allah subhanahu wa ta'ala le droit de rendre halal ou haram, que ça c'est un acte de shirk. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله » Ils ont pris leurs moines et leurs rabbins comme des égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala. De quelle manière ils les ont pris comme des égaux? C'est parce qu'ils les ont obéis dans le fait de rendre halal ce qui est haram et dans le fait de rendre haram ce qui est halal. Et qu'est-ce que ces gens-là font au nom de la démocratie aujourd'hui? C'est la même chose. Ils s'assoient dans le Parlement et ils votent. S'ils veulent rendre l'homosexualité halal, hein, ils vont voter. Et si la majorité dit oui, ça y est, c'est halal, ok, maintenant l'homosexualité est légale. Deux hommes peuvent se marier. Deux femmes peuvent se marier. Hein? Ça, c'est kufr. Si tu crois que ça, c'est permis, ça, c'est kufr. Hein? T'es pas musulman si tu crois en ça. La même chose, si tu veux rendre halal la drogue, la marijuana, l'alcool, ou n'importe quel autre crime, le riba, hein, tu votes, aïe salé, ça y est, c'est halal. Ou tu veux rendre haram ce qui est halal, comme le hijab, ou bien d'autres choses qui font partie de l'islam, tu veux le rendre halal, ça, c'est kufr aussi. Donc ça c'est un exemple. Là on est allé loin, mais c'est pour dire que ça c'est la première bid'ah, la bid'ah des khawarij. Aujourd'hui il y en a plein de khawarij. Ici à Montréal, puis dans les pays musulmans, dans les pays non musulmans, et en particulier dans les pays non musulmans, parce que c'est dans les pays non musulmans que ça se propage le plus. Les idées de takfir, les idées de faire sortir de l'islam toute personne parce qu'il commet un grand péché, d'appeler aux manifestations et aux rébellions, tout ça c'est quelque chose qui se passe actuellement, on le voit. Et ça c'est la voie des Khawarij. Hein? Et les premiers qui ont fait ça, c'est qui? C'est les gens qui se sont révoltés contre Osman ibn Affan, radiallahu anhu. Et ils l'ont tué. Hein? Ils l'ont tué, radiallahu anhu. Et à partir de ce moment-là, c'est là que la fitna a commencé dans la Ummah. Hein? Et depuis cette époque-là jusqu'à aujourd'hui, ça continue à cause de ça. Hein? Donc ça c'est l'exemple de ces gens-là. Le premier des Khawarij, il s'appelle Dhul Khuwaysira. Il est mentionné dans le hadith. C'est un homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était en train de distribuer le butin. Hein? Et il a dit, « Ya Muhammad, i'dil, fa innaka lam ta'dil. » Il a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah. Et il n'a pas dit ô messager d'Allah. Il a dit ô Muhammad. C'est pour vous montrer comment il n'a pas de manière, il n'a pas de respect. Il dit ô Muhammad, sois juste parce que tu n'as pas été juste. Hein? Imaginez. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si moi je ne suis pas juste, qui va être juste? Et les sahaba étaient fâchés. Hein? Donc ceux que vous entendez parler aujourd'hui, ah, on veut la justice, on veut la justice. Hein? Eh bien, Dhul Khuwaysira, c'est exactement la même da'wah qu'il avait à son époque, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'appeler à la, dire on veut la justice, on veut la justice. Et même il pensait tellement qu'il voulait la justice qu'il pensait qu'il était plus juste que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. A'udhu billah. Donc il lui dit, sois juste. Et c'est pour ça que les Khawaris sont des extrémistes encore aujourd'hui. Hein, ils disent on veut la justice, on veut la justice, alors qu'eux-mêmes ils sont injustes. Hein? Donc ça c'est des exemples. Et puis il, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu cet homme là il a dit sayakhruju min di'i hadha qawmun tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamahum ma'a siyamihim wa qiyamahum ma'a qiyamihim. Il a dit wa yaqra'una al-Qur'an la tujawizu hanajirahum yamruquna min al-islam muruq as-sahm min ar-ramiyah. لئن أدركتهم لقد لقد لا لا أقتلنهم قتل عاد. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit à propos de ces gens-là, il a dit de cet homme va sortir des gens, si vous voyez leur prière vous allez mépriser votre prière. Il parle aux sahaba, il dit vous allez voir leur prière, vous allez mépriser votre prière. Vous allez voir leur jeûne, vous allez mépriser votre jeûne. Vous allez voir comment ils récitent le Coran, vous allez mépriser votre récitation du Coran. Ils récitent le Coran, mais ça ne dépasse pas leur gorge. Et ils sortent de l'islam comme la flèche lorsqu'elle traverse sa proie, hein, sa cible. Hein? Et il a dit, dans, à la fin, il a dit, et si je les aurais rencontrés, je les aurais exterminés comme le peuple de Ad. Et dans d'autres narrations de ce hadith, il dit, Touba man qatalahum au qataluhu. Hein? Donnez la bonne nouvelle à celui qui les a tués ou qui a été tué par eux. Et dans un autre hadith, il les a décrits en disant Ahdathul Asnan, Sufahaul Ahlam, Yaquluna min khayri qawlul bariya. Hein? C'est-à-dire, ce sont des jeunes, des rêveurs. Ils disent les meilleures paroles au monde. Hein? Mais ils sortent de la religion comme la flèche qui quitte son arc. Hein? Quand ils ont vu Ali, qu'est-ce qu'ils ont dit à Ali radiallahu anhu? Ils lui ont dit La hukma illa lillah. C'est-à-dire, il n'y a pas de jugement excepté le jugement d'Allah. Hein? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Ils font le takfir sur quoi? En se basant sur quoi? En se basant sur ça. Hein? Ils disent non, les hukam la yahkouna bima anzal Allah. Ils disent, ils ne jugent pas selon ce qu'Allah a révélé. Et il cite le verset وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ceux qui ne jugent pas selon ce que Allah a révélé, ceux-là sont les mécréants. Et il ne retourne pas au tafsir de ce verset, qu'est-ce qu'Abdullah ibn Abbas a dit, hein, à propos de ce verset-là, en disant que celui qui juge par autre que la loi d'Allah, en croyant que ça s'est permis, ou que c'est meilleur que ce qu'Allah a révélé, celui-là, il est kafir, il a sorti de l'islam. Mais celui qui le fait par sa passion, et qui reconnaît que c'est haram, qu'est-ce qu'il fait? Alors celui-là, c'est un kufr duna kufr. Il a dit, c'est un kufr qui ne fait pas sortir de l'islam. C'est un kufr qui est en dessous du kufr qui fait sortir de l'islam. Hein? Donc ça, c'est un exemple aujourd'hui. Et dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits, les khawarij, en disant, « Hum kilab ahli nar. » Ce sont les chiens de l'enfer. Les chiens, « Kilab nar ou kilab ahli nar. » Ça c'est dans les narrations de ce hadith. Donc ce sont les chiens des gens de l'enfer. Donc ça c'est pour expliquer comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, a mis en garde contre ces gens-là. Et malgré leur apparence, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a décrit Dhul Khuwaysira, quand dans le hadith, celui qui décrit Dhul Khuwaysira, son apparence, il a dit c'est un homme, il avait le crâne rasé, il avait une marque de prosternation profonde, et il avait une grande barbe. Ça veut dire, dans son apparence, il a l'air quelqu'un de religieux. Et malgré tout, il a dit toutes ces choses-là à son sujet. Ça veut dire, on ne se base pas seulement sur l'apparence de la personne. c'est pas seulement la barbe, c'est pas seulement l'apparence de religiosité de la personne. Il faut voir si elle est en accord avec la sunna, et si cette personne-là applique la sunna et suit l'exemple de la aqidah des salafs. Parce que s'il n'a pas la aqidah des salafs, même s'il a l'apparence religieuse, ça sert à rien. Hein? Il appelle à la bid'ah et à l'égarement. Donc ça, c'est un exemple de bid'ah. Et puis après, il y a eu la bid'ah des shi'a, hein, rafida, comme qui a été débutée par Abdullah ibn Saba, le juif du Yémen. Et puis aussi, il y a eu la secte des Qadariyah, qui est apparue à l'époque des sahaba, des plus jeunes parmi les sahaba, comme Abdullah ibn Omar, hein, et à son époque, comme c'est mentionné dans Sahih Muslim au tout début, hein, il y en a un qui est venu, il y en a deux, pardon, qui sont deux d'entre les tabi'ins qui sont venus voir Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu, ils sont venus faire le hajj, ils ont dit, vers chez nous, d'où on vient, il y a un homme, hein, où il y a un groupe de gens qui prétendent chercher la science et qui disent qu'il n'y a pas de qadar. Ils ne croient pas au qadar. Hein? Alors, on est venu pour te demander qu'est-ce que tu dis à leur sujet. Eh bien, Abdullah ibn Omar a dit, dites-leur que je suis innocent d'eux, je me désavoue d'eux, je n'ai rien à voir avec ces gens-là. Et dites-leur que s'ils donnent la quantité d'or comparable à la montagne de Uhud en sadaqa, rien de ça ne sera accepté d'eux tant qu'ils n'ont pas cru en Al-Qadar. C'est-à-dire, en voulant dire, ces gens-là ne sont pas des croyants. Ça, c'est la bid'ah des Qadariyah, ceux qui nient la prédestination. Et puis, il y a eu la bid'ah par la suite des Murji'ah. Al-Qadar, bon, ça c'est un peu long, mais sinon, si tu veux résumer, le Qadar, c'est basé sur le fait de reconnaître quatre points. Premièrement, la connaissance infini d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, de croire que tout ce qui existe, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a écrit. Hein? 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre. Troisièmement, il faut croire que tout ce qui se produit, c'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien qui sort de sa volonté. Et quatrièmement, que tout ce qui existe, c'est Allah qui l'a créé. Il n'y a pas d'autre créateur que lui. Et ça, c'est les quatre points en résumé, mais sinon il y a des détails, il y a des preuves pour chacun de ces points-là. Et si quelqu'un il a compris ces quatre points-là, il a compris la aqida en al-qadar, la foi en al-qadar. D'accord, ça c'est les quatre piliers de la foi en al-qadar. On va y revenir plus loin dans le cours. Sinon il y a la aqida des murji'a, la bid'a des murji'a, ceux qui disent que la foi c'est juste dans le cœur et que la foi elle augmente pas, elle diminue pas. Hein? Et que les actions, elles n'ont aucun lien avec la foi. Hein? Tu peux faire tous les péchés du monde, tu as toujours la foi. Et ta foi est la même que celle des prophètes, que celle des anges, que celle des plus pieux d'entre les hommes. Même si tu désobéis à Allah. Et ça, il y en a plein de ces gens-là qui ont cette croyance-là aujourd'hui, parfois même avec ignorance, quand tu leur dis, fais la salat, ils disent, al-iman fil qalb. Hein, tu dis, fais la salat, tu dis, la foi c'est dans le cœur. Tu dis, akhi, taqillah, fais pas ça, c'est haram. Tu dis, la foi c'est dans le cœur. Ça c'est la bid'a des khawar, des murji'a, pardon. C'est la bid'a des murji'a. Hein? Donc la foi, selon Ahlus Sunnah wal Jama'a, comme on va l'étudier plus tard, elle augmente. Et premièrement, c'est une parole avec la langue, une croyance avec le cœur, une parole avec la langue et une action avec le corps. Donc c'est ces trois choses-là ensemble. Et elle augmente avec les adorations et elle diminue avec les péchés. Hein? C'est ça la définition de la foi selon Ahlus Sunnah wal Jama'a. Puis ensuite, il y a la bid'a des Mu'tazila. La bid'a des Mu'tazila qui, eux par exemple, nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils nient le qadar aussi. Et puis ils ont plusieurs bid'a aussi, bon, plusieurs autres, mais on y reviendra là-dessus aussi plus tard. Puis il y a la bid'a des Jahmiyyah. Les Jahmiyyah sont plus extrémistes encore que les Mu'tazila, parce que les Mu'tazila acceptent les noms d'Allah mais ils nient les attributs seulement. Tandis que les Jahmiyyah, eux, ils nient les noms et les attributs d'Allah. Ils disent que tout ce qui est mentionné dans le Coran comme nom et attribut d'Allah, c'est symbolique seulement, c'est allégorique, il n'y a rien de réel. Donc ils rejettent les noms et les attributs d'Allah. Et il y a aussi la bid'a des Asha'ira, des Maturidiyya. Hein? Ils affirment que sept attributs et ils nient les autres. Ils acceptent les noms, mais ils nient les attributs, excepté sept. Donc ça, c'est un autre exemple de bid'a. Puis, toutes les bid'a qui sont apparues par la suite, qui suivent cette tendance, ces tendances-là. Hein? Comme il y a la bid'a des Soufiyya aussi. Oui, ça c'est parmi les soufis. Ça c'est parmi les soufis. Ça fait partie des bid'a des soufis qui pensent que leur cheikh il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en plein jour. Le prophète, il croit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient les voir, puis il leur parle, il leur enseigne des nouvelles choses sur l'islam. Mais premièrement, il faut leur répondre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, déjà, il est mort. Et il n'y a personne qui va revenir à la vie avant le jugement dernier. Hein? À part Isa qui est monté aux cieux et qui va revenir à la fin des temps, il n'y a personne d'autre qui va revenir dans cette dunya avant la fin des temps, avant le jugement dernier. Et en plus de ça, la religion, elle est complète. Donc qu'est-ce qu'il va venir pour enseigner quelque chose qui n'est pas dans le Coran et dans la Sunna déjà? Tout a été déjà enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Donc c'est pas normal que quelqu'un il vient puis il te dit j'ai reçu un nouvel enseignement de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est des exemples, comment tu peux leur répondre, mais sinon il y a aussi d'autres explications et d'autres détails à ce sujet-là. Non. Quand on dit que quelqu'un est dans une bid'a, ça ne veut pas dire qu'il est kafir, nécessairement. Hein? Il y a des bid'a qui sont kufr, mais il y a des bid'a qui ne sont pas kufr. Et les ulama, ils ont divisé la bid'a en deux catégories. Al-bid'atul mukaffira ou al-bid'atul ghayr al-mukaffira. Donc il y a une bid'a qui rentre dans le kufr, qui fait sortir de l'islam, et d'autres bid'a qui ne font pas sortir de l'islam, et qui sont des péchés. D'accord? Il y a des bid'a qui sont shirk, et le shirk en soi-même c'est une bid'a. Parce que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam, il lui a enseigné le tawhid. Il lui a révélé le tawhid. Et le shirk est apparu à l'époque de Nuh, alayhi salam. Et il est apparu comment? Lorsque les gens ont pris des représentations, hein, des hommes pieux, et les ont mis sur la place. Hein, pour se rappeler d'eux et pour s'encourager à faire des bonnes œuvres. Mais après quelques générations, ils ont oublié la science et donc ils ont commencé à les adorer. Et c'est pour ça que lorsque tu regardes dans sourate Nuh, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la yaqus wa ya'uq wa nasra. Hein? Abdullah ibn Abbas, il a dit à propos de ces cinq noms, il dit ce sont les noms des hommes pieux du peuple de Nuh. Lorsqu'ils étaient vivants, ils faisaient des bonnes œuvres. Quand ils sont morts, les gens ont mis leurs images. Hein, et ils ont dit, on va mettre ces images-là pour se rappeler d'eux. Et le shaitan est venu quelques générations après et il leur a dit, on a mis leurs images, c'est pour les adorer. Alors les gens, ils ont commencé à les adorer et ils sont tombés dans le shirk. Donc ça c'est une bid'a dans la religion. Et c'est comme ça que l'idolâtrie est entrée dans le monde. Hein? C'est comme ça que... Non, il faut... Tout ce qui est contraire au Coran et à la Sunna et qui est innovation ou bid'a, il est de notre devoir de le rejeter. Il est de notre devoir de le rejeter et de le refuser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a mis en garde contre les innovations. Il a dit « وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ » Les pires affaires sont les nouvelles choses inventées dans la religion. Et toutes les choses inventées dans la religion sont des bid'a, sont des innovations. « وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ » Et toutes les innovations sont des égarements, et toutes les bid'a sont des égarements, et tous les égarements mènent à l'enfer. Hein? Et il a dit dans un autre hadith, من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Et dans une autre narration, من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Donc celui qui fait quelque chose qui ne fait pas partie de notre religion, ce sera rejeté. Et celui qui invente dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, ce sera rejeté. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné dans un autre hadith que cette umma allait se diviser en 73 sectes et qu'elle serait tout en enfer excepté une. Et quand on a demandé c'est laquelle, il a dit c'est celle qui suit ma sunna et la sunna de mes, qui suivent ce que je suis moi-même ainsi que mes compagnons. C'est ça la voie qui mène au paradis. De suivre l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Parce que toutes les autres sectes, ils ont dévié là-dedans. Ils n'ont pas suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils n'ont pas suivi l'exemple des sahaba. C'est pour ça qu'ils sont déviés. Maintenant, parmi ces sectes, il y en a qui sont en enfer parce qu'ils sont kuffars et il y en a d'autres, peut-être qu'ils sont dans l'enfer parce qu'ils ont fait des bid'ahs et ceux-là ne sont pas kuffars, donc ils ne vont pas rester éternellement en enfer. S'ils rentrent, ils vont sortir par la suite, par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala ou par l'intercession des intercesseurs au jour de la résurrection. D'accord? Donc les Asha'ira, c'est des gens de bid'ahs et les ulama ne disent pas que ce sont des kuffars. Les ulama ne disent pas que ce sont des kuffars. Donc, ils disent que ce sont des gens qui ont dévié dans certains aspects de la foi, dans différentes questions. Dans les noms et dans les attributs, dans les attributs d'Allah, ils déforment le sens des attributs d'Allah. Et aussi dans différents autres aspects, par exemple dans la foi, ils sont murji'a. Dans la foi, ils sont sur la aqidah des murji'a, parce qu'ils disent que la foi c'est at-tasdiq. Ils disent que la foi, c'est seulement de reconnaître la véracité du message et que ça n'augmente pas, ça ne diminue pas. Donc du moment que quelqu'un, même s'il fait aucune action, il est toujours mu'min. Ça, c'est la aqidah des Asha'ira. Et ils ont également une bid'a dans le qadar. Ils sont des jabriya. Le jabriya, c'est l'autre extrême par rapport aux qadariya. Les qadariya, ils nient la prédestination. Ils nient la prédestination. Eh bien, les Jabriya, c'est le contraire. Ils disent, tout ce qu'on fait, c'est on est obligé de le faire. On est comme une feuille dans le vent, ou une plume dans le vent. C'est Allah qui nous force de faire ce qu'on fait. Hein? Et ça, c'est... Il y a beaucoup de soufis qui ont cette aqidah-là. Hein? Et ça, c'est une bid'a aussi, dans la religion. Eh bien, les Asha'ira, ils ont une part de ça. Il faut faire la distinction entre des erreurs qui ont des savants qui ont commis des erreurs, qui ont certaines erreurs des Asha'ira, et les Asha'ira, les têtes des Asha'ira. Parce que les têtes des Asha'ira ne sont pas parmi les grands savants de la Umma. Oui, les têtes des Asha'ira, comme par exemple Al-Baqilani et Al-Iji, et par exemple, qui d'autre encore, Ibn Furak. Tout ça, Abul Hassan, lui, à la fin de sa vie, il s'est repenti de l'aqidah qu'il avait de celle que tu parles. En fait, parce que Abul Hassan, celui à qui cette aqidah est attribuée, il est né, qui est né en 260, après la hijra du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, pendant 40 ans de sa vie, il était dans la secte des Mu'tazila. Il niait le qadar, il niait les attributs d'Allah, hein, au complet, sans exception. Et il avait toutes les autres bid'ahs des Mu'tazila. Puis après 40 ans dans cette secte, il a compris que cette secte était dans l'erreur. Donc il a adopté la aqidah de Muhammad ibn Kullab, ou ibn Abu Muhammad ibn Kullab. La aqidah al-Kullabiyya. Il fait partie des gens qui déforme le sens des attributs. Donc il croit en certains attributs, puis il nie les autres, il déforme les autres. Ça c'est l'aqidah qu'il a pris par la suite. Ça, c'est la période intermédiaire. Pourquoi? Parce qu'à la fin de sa vie, il s'est repenti de ça. Il a écrit deux livres. Le premier c'est Al-Ibana, fi Usul Diyana, et l'autre c'est Maqalat al-Islamiyin. Et dans ces livres-là, il s'est repenti d'avoir la aqidah des Kullabiyya. Et il a affirmé les noms et les attributs d'Allah. Et il a dit, je suis sur la aqidah de l'imam Ahmad et des gens de Ahl al-Sunnah. Donc, on dit que l'imam Abu al-Hasan al-Ash'ari, il fait partie des imams de Ahl al-Sunnah et il s'est repenti avant sa mort de ses bid'ahs. Sauf que ceux qui se disent aujourd'hui à Asha'ira, ils ne suivent pas la dernière position de Abu al-Hasan al-Ash'ari, ils suivent sa période intermédiaire avant de quitter la aqidah des Kullabiyya. Donc ils suivent la aqida kullabiya en réalité, et non pas la aqida d'Abul Hassan al-Ash'ari. Et de toute façon, tous les imams qui ont vécu avant Abul Hassan al-Ash'ari, comme les sahaba, les tabi'in, et les quatre imams comme Abu Hanifa, Malik, Al-Shafi'i et Ahmad, ils sont tous nés avant Abul Hassan al-Ash'ari. Donc, ils n'ont jamais connu cette aqida. Ils n'ont jamais connu cette bid'a. Cette bid'a est apparue bien longtemps après. En fait, elle ne s'est pas propagée, excepté 500 ans après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est à cette époque-là qu'elle s'est propagée, pour des raisons politiques. Hein? Ceux qui l'ont propagée, c'est comme par exemple... comment il s'appelle, Salahuddin Ayyubi, parce que lui-même il était Ash'ari, et c'est lui qui a propagé cette aqidah-là à cette époque-là. Et dans le nord de l'Afrique, c'est Ibn Tumart, c'est lui qui a imposé par l'épée cette aqidah. Tous ceux qui refusaient d'accepter cette aqidah, il les passait, il les tuait. Donc c'est par la force qu'ils ont imposé la aqidah Ash'ariya dans le nord de l'Afrique, au Maroc et dans l'Algérie et dans les autres pays du nord du Maghreb. C'est pas par c'est pas avant ça, ils étaient tous sur la aqidah salafia, la aqidah de l'imam Malik. Et dans les pays de l'Orient, c'est Abu Mansour al-Maturidi, c'est lui qui a propagé cette aqidah, qui est la aqidah Ash'ariya, mais avec quelques petites différences. Bon, j'avais pas l'intention de rentrer dans tout ça aujourd'hui, mais bon, comme on dit, il fallait en parler de toute façon un jour ou l'autre. Mais quand je parle des gens de bid'ah, c'est ceux-là et tous ceux qui suivent ces tendances-là aujourd'hui, peu importe le nom qu'ils possèdent. Tu vois, parce qu'il y a des groupes aujourd'hui qui sont très connus, mais qui reposent sur les mêmes fondements que ceux de ces sectes-là. D'accord? Et ils veulent pas parler de aqidah, ils veulent pas parler du tawhid et des fondements de l'islam, parce que justement ils veulent pas que les gens sachent la réalité sur ces questions-là, pour être capables de distinguer entre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux sur ces sujets-là. Ils veulent laisser les cartes embrouillées et les choses floues pour continuer à profiter de l'ignorance des gens pour les égarer. Comme par exemple les frères musulmans, les Ikhwan al-Muslimoun, le fondateur de ce groupe, Hassan al-Banna, il était soufi de la tariqa al-Hissafiyya Shaziliya. Donc il a la bid'a du tasawwuf avec lui. Et lui-même, dans son livre qu'il a écrit, qui explique sa vie, il dit qu'il a donné la bay'a à son cheikh et qu'il faisait les adhkar et les pratiques que faisaient les soufis à son époque. En plus de ça, il dit qu'il faisait des pèlerinages, il partait vers des tombes pour aller se recueillir et méditer auprès des tombes. Il mentionne aussi qu'il faisait, il célébrait le Mawlid al-Nabawi. Il faisait les Mada'ih et les Hadra comme les soufis. Il mentionne ça dans ses livres aussi. Et il mentionne aussi qu'il était sur la aqidah des Asha'ira. Il était Ash'ari lui-même. Tu vois? Et il fait partie des Mufawwida. Et dans un livre qu'il a écrit qui s'appelle Al-Aqaid, il déforme justement la aqidah des salafs en leur attribuant le tafwid. Le fait de. En tout cas, ça c'est d'autres choses, peut-être on y reviendra. Mais en voulant dire qu'il pense que, ou il croit que, la aqidah des salafs c'est de dire qu'on ne comprend pas la signification des noms d'Allah et que c'est comme du chinois. C'est-à-dire quand tu lis des versets qui parlent des attributs d'Allah, comme lorsque Allah mentionne qu'il est au-dessus de son trône, ou qu'il a une main, ou qu'il a des yeux, ou des attributs qu'il a mentionnés, tu ne dois pas les affirmer. Tu dois croire que c'est comme des mots chinois, ça n'a aucune signification. Alors que les salafs, eux, ils connaissaient la signification de ces attributs-là, et ils les expliquaient. Ou bien ils disaient, Amirruha kama ja'at, bila kayf. Prenez-les tels qu'ils sont dans les textes, sans demander le comment, mais sans essayer de les imaginer. Et il disait, parfois certains des salafs ont dit, tafsiruha tilawatuha, c'est-à-dire leur tafsir c'est de les réciter tels quels, puisque c'est des mots qui sont connus dans la langue arabe, tout le monde les connaissait. Et l'imam Malik il a dit au sujet de Al-Istiwa, quand quelqu'un est venu lui poser la question, Ar-Rahman ala al-Arshistawa, kayfa istawa, قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. C'est-à-dire al-istiwa, le verbe, l'humain, hein, ou le mot al-istawa. Ça, c'est quelque chose qui est connu dans la langue arabe. Tous les arabes connaissent sa signification. Wal-kayf ou majhoul, le comment, on ne le connaît pas. Et dans une autre narration, il a dit wal-kayf ghayr ma'qoul, le comment, il n'est pas, on ne peut pas le comprendre. On ne peut pas arriver à le comprendre parce que Allah ne nous a pas décrit comment il s'est élevé au-dessus de son trône et on ne peut pas connaître ses attributs puisque on ne connaît pas, hein. On ne peut pas parler de Allah subhanahu wa ta'ala puisque la seule chose qu'on peut dire à propos d'Allah, c'est ce que Allah a dit de lui-même et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc on doit s'arrêter là. On ne peut pas essayer de philosopher à propos d'Allah, puis essayer de jouer à la devinette, pour essayer d'imaginer comment il est. On n'a pas le droit. On se limite à ce qu'il nous dit. Donc, al-kayf majhoul, on ne connaît pas le comment, la description. Wal-imanu bihi wajib, c'est obligatoire d'y croire. Was-su'alu anhu bid'ah, et de poser des questions sur le comment, c'est une innovation. Donc il faut accepter les noms et les attributs d'Allah tels qu'ils sont dans le Coran et dans la Sunna, pas essayer de changer leur signification ou de déformer leur sens ou essayer de les imaginer ou ainsi de suite. Donc ça fait partie des erreurs ou des égarements, par exemple, qui étaient présentes chez Hassan al-Banna, mais sinon il y a eu aussi beaucoup d'autres problèmes parmi les exemples de la démocratie et puis des groupes et des choses de ce genre. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est pas le temps ni le moment, je voulais pas rentrer dans tout ça aujourd'hui, mais puisque tu as posé la question, de toute façon on va en reparler dans les cours qui vont suivre. Et disons que ça, ce sera peut-être, inshallah, une introduction pour vous. Tayyib, inshallah. Donc, pour terminer, nous, quand on traduit les termes comme ils sont dans le Coran et dans la Sunna, on le traduit, bien entendu, puis on essaie de faire comprendre ces significations-là dans le contexte de l'islam, pas dans le contexte du christianisme, ou comment eux, ils définissent les choses dans leur langue, dans leur philosophie à eux, ou dans leur religion à eux. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué que c'est des sectes. Comme tu dis, une religion, c'est une secte qui a réussi ou quoi. Ça, c'est, oui, comme ils disent, oui, mais ça, c'est un détail, en fait, c'est pas important. Faction, firqa, dans une autre narration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, milla, hein. Donc, c'est une voie, une religion. Donc, c'est la même chose, de toute façon. L'important, c'est qu'on comprenne que c'est divisé en 73 groupes, ou en 73 parties, ou en 73 sectes, peu importe. L'important, c'est qu'on comprenne qu'il y a une division. Mais que dans tous ces groupes-là qui sont divisés et qui sont séparés, eh bien, il y en a un seul qui est sur le haq. Et l'obligation pour nous, les musulmans, c'est de connaître ce groupe-là et de le suivre. Et c'est quoi la description de ce groupe ? De suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de suivre ses compagnons. Si tu suis ça, t'es dans ce groupe. Si tu le suis pas, t'es pas dans le groupe. C'est aussi simple que ça. On va s'arrêter ici, inshallah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.